un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. C'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7 de la bande FM et sur le net rigfm.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année, oui, il faut préciser, de l'année 2024. Installez-vous bien, hein, parlez-en encore autour de vous, hein, qu'il y a une émission sur Johnny A&D, hein, puis c'est tous les mercredis, ici sur RIG. Et aujourd'hui, dans cette émission Johnny de A à Z, je vais vous proposer de faire une petite rétrospective de toutes les sorties de Johnny A&D, sur Johnny A&D, de l'année 2024. Chez Universal et chez Warner Music. On va retrouver les gros axes, des grands axes comme du genre le livre-disque Johnny 71, on va retrouver aussi les archives live, on va retrouver également, bah tiens, aussi le Restez Vivant, le 10e anniversaire de l'album Restez Vivant, et ainsi que le dernier projet en date, c'est le Johnny 68, et aussi la Tour Eiffel 2011 qu'on va écouter au cours de cette émission Johnny de A à Z, cette émission spéciale. Et si on commençait tout de suite par une des sorties de l'année 2024, c'est l'album Bercy 2003. Vous m'avez dit, mais attends Eric, tu débloques ou quoi? La 2003, c'est sorti 3 ans auparavant. Mais oui, mais ce coffret est sorti à nouveau début janvier sous la forme la plus complète, extrait du coffret Bercy, le coffret Bercy avec les 5 Bercy, et dont chaque volume comprenait les CD, les vinyles ainsi que les DVD. Et l'extrait que je vais vous proposer, c'est le concert que Johnny avait donné au Palais Omnisports de Paris-Bercy. C'était le lundi 15, mardi 16, samedi 20 et dimanche 21 décembre. C'était l'un des rares spectacles parisiens de la star à ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion en DVD, chose faite en 2020, soit 17 ans plus tard. Et le soir de la dernière, le rocker déchaîné met le feu au piano après un hommage à Jerry Lee Lewis sur Walla Shaking Going On. Et on commence par ce titre-là, Walla Shaking Going On, Johnny A&D sur RIG, et cette rétrospective année 2024. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne écoute. Rock and roll! Already! Rock and roll! J'aimerais rendre un petit hommage ce soir à quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'envie dans le rock and roll, Monsieur Jerry Lee Lewis. Un petit clin d'œil. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. I come on over, baby, whole lot of shaking going on. Come on over, whole lot of shaking going on. I said, come on over, baby, we've got a chicken in the bar. Come on over, baby, we've got a chicken in the bar. Shaking going on. I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I'm gonna shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I said, come on over, baby, come on, let's rock and roll. We've got a chicken in a barn. Who's barn? What's on my barn? Oh! got a chicken in a bar. He ain't thinking a whole lot of shaking. Oh, now. I said, shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Baby, shake. Come on, shake, baby, shake. Shake, baby, shake. I said, come on over, baby, let's rock and roll. Sortie de cette année 2024, c'était le 23 février, la sortie du livre-disque Flagrant Délit et toute la suite qui a suivi. C'est-à-dire, on avait commencé le 16 février avec 3 45 tours, le 45 tours Hommage à Louis Sarah, le 45 tours des inédits Waterloo et l'autre inédit Reste. Et le 23 février sortait donc le livre-disque Flagrant Délit, donc le petit format avec les 3 CD. Et il y avait aussi le grand format, le super vinyle, le super collector, le coffret vinyle super collector, avec en plus le CD de la diffusion sur Europe 1 du live de Palavas et les Flots le 17 août 1971, ainsi que le DVD de Philippe Labreau. On retrouve également en vinyle un picture disc, le concert du Palais des Sports de 1971 en vinyle et ainsi qu'après le mixage donc de l'album 71 en double vinyle également. Mais là, qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter justement les deux inédits, Waterloo et Reste. Après 50 ans dans l'oubli, deux titres inédits de Johnny Hallyday refont surface. Il dormait depuis 50 ans à l'Alping Sound Studio. Les bandes de cet album n'étaient pas enregistrées au nom de Johnny Hallyday, mais à Lee Hallyday, le producteur de l'album, a expliqué Xavier Perrault, responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal. On va écouter tout de suite Reste et juste après on écoutera Xavier Perrault qui nous parle donc sur ces fameux titres inédits et on écoutera Waterloo à la suite. Non, non, non, non, reste. Non, non, ne pars pas. Non, non, non, non, reste. Mon cœur n'est que toi, toi. Puisque ton corps a su prendre mon cœur, que mon amour ne te faisait pas peur, ne peux-tu aujourd'hui oublier? Pardonner, oh oui. Quand un homme est arrivé à saisir l'éternité, il doit s'accrocher. Ouais. Non, non, non, non, reste. Non, non, ne pars pas. Non, non, non, non, reste. Mon cœur n'est que toi, toi. Yeah, yeah. La vie est un long combat quotidien. Il nous faut livrer entre deux chagrins. Qui par un autre hélas qui revient, nul n'y peut rien. Oh non. Quand un homme est arrivé à saisir l'éternité, cœur n'est que toi. À présent, écoutons Xavier Perrot qui avait participé à cette fameuse émission que j'avais proposée en début d'année sur l'antenne de RIG. Il est dommage que les médias aient mis la communication de l'album de Johnny, du genre celui-là, le Johnny 71, sur les titres inédits. Les médias, c'est ce qu'ils cherchent, en fait. Parce qu'eux sont persuadés que ça ne peut intéresser qu'à partir du moment où c'est inédit. Ce qui n'est pas totalement faux, le fait qu'il y ait des inédits apporte, on va dire, un supplément sur les enregistrements. Et donc, c'est vrai qu'eux sont super sensibles à ça. Voilà. Après, moi, je leur dis, il n'y a pas que les inédits dans l'album. D'ailleurs, si on prend Waterloo, et Philippe Labreau le dit très bien dans son interview, Waterloo arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Il n'a pas vraiment sa place à ce moment-là dans l'album, et on peut comprendre qu'il ait été mis de côté. Après, la chanson, là encore une fois, elle est complètement aboutie. Je veux dire, c'est pas une maquette, c'est pas un truc, c'est pas une chute de studio, c'est une vraie chanson de A à Z avec un texte. La chanson, au départ, s'appelle Di Alamo. Oui. Elle fait référence à une bataille entre les États-Unis et le Mexique qui a eu lieu dans le passé, je sais plus à quelle époque exactement. Donc, cette bataille perdue par les Américains, Labreau s'est amusé à la transposer en France, dans l'histoire de France, et dit Alamo, c'est devenu Waterloo. Donc, il y a une vraie intention, il y a une vraie idée derrière cette adaptation en français, et on voit bien que la chanson est complètement aboutie. Complètement. Pour ce qui est de reste, c'est une belle chanson, qui est un premier jet, c'est-à-dire, je pense qu'elle était pas, elle n'est pas finie au moment où ils se sont arrêtés. Bon, voilà, il y a déjà toute une structure qui est en place, qui est pas, peut-être, ils sont pas allés au bout de leurs idées, au bout de leurs intentions musicales, mais voilà, la chanson est là, elle existe, et c'est plus qu'une maquette. Et on va écouter un extrait de Waterloo, mais en façon, on va dire, progressive. C'est-à-dire, on va écouter d'abord la voix de John Hallyday et les instruments, au fur et à mesure, vont venir. Et c'est grâce à Laurent Guénaud, qui a travaillé justement sur le mixage de ce Johnny 71, qui m'avait fourni ce petit enregistrement. Près d'un village du Brabant, ce fut le dernier guet-apens. Le soleil s'est levé très tôt au rendez-vous de Waterloo. Il fait très clair, c'est le matin, et le sang coulera sans fin. Ouais, il faudra se battre et mourir pour la seule gloire d'un empire, pour la seule gloire d'un seul nom, celui de Napoléon. Écoutons la version complète à présent. Village du Brabant, ce fut le dernier guet-apens. Le soleil s'est levé très tôt matin et le sang coulera sans fin. Ouais. Il faudra se battre et mourir pour la seule gloire d'un empire. Les Anglais et les Prussiens sont les armées du destin. Un par un, les soldats meurent. Un par un et heure par heure. Il faut bien qu'un jour ils perdent, même si Cambronne a dit merde. Oh ouais. Il fallait se battre et mourir pour la seule gloire d'un empire, pour la seule gloire d'un seul nom, celui aujourd'hui, sous cette terre qui a connu tant d'autres guerres, il ne reste plus que des eaux, sous le ciel gris de Waterloo. Oui. Alors, c'est ça tout l'intérêt aussi de faire ce travail-là de réédition album par album, année par année, c'est que ça nous permet, nous, de pouvoir se pencher sur un album dans le détail, d'aller, de repartir des multipistes originales, de retravailler piste par piste le son, de nettoyer le souffle, de s'assurer que qu'on restitue le mieux possible chaque élément, chaque instrument, chaque piste, sans avoir comme contrainte, ce qui était sans doute le cas à l'époque, de devoir fournir un album qui doit être mis en radio, qui doit répondre, on va dire, au format média de l'époque, c'est-à-dire, comme souvent en France, c'est-à-dire une voix très en avant, les guitares, la musique est plutôt derrière, rangée derrière la voix. Là, c'est la première fois qu'on le fait, nous, où on s'autorisait ça, mais il y a une telle unité dans cet album, on pouvait se permettre ça, c'est qu'on a proposé des mix alternatifs, oui, qui poussait dans cette direction-là. C'est-à-dire que comme on voyait très clairement ce cap mis sur cette puissance, la force, une sorte d'énergie comme ça, très, très présente, mais très maîtrisée, très, pas violente. Il y a pas de, c'est, l'album peut être assez radical parfois, mais en même temps, musicalement, ça part jamais en sucette. Ça reste tout, totalement maîtrisé. Contrairement à Rivière ouvre ton lit, où là, tu sens que par moment, voilà, c'est un peu enregistré et construit un peu in vivo, quoi, tu vois, sur le tas, quoi, en studio. Là, non, tout est maîtrisé, tout est cadré. Et donc, on a proposé des mix alternatifs parce qu'on savait que ça allait dans cette direction-là et que c'était, nous, l'occasion de proposer des lectures de ces chansons, de ces titres, sans avoir la contrainte de se dire « il va falloir que ça rentre sur RTL », quoi. Si tu veux, en quelque sorte. Donc ça, c'est ça aussi qui est intéressant avec ces relectures album par album, année par année, c'est de pouvoir aller dans le détail et de retravailler ces sons et de leur restituer effectivement toute leur saveur, toute leur nette de noblesse, et que les gens puissent, en dehors des inédits qu'on a pu découvrir sur cet album, retrouver tout ce qui a fait la magie de ce disque et qui est vraiment et qui est là, qui est intact, quoi, et qui est restitué ici de façon optimum. Au maximum, et voici le mix alternatif de Au Majolie Sarah. Sorry. Sarah dans l'émission Johnny de la Z spéciale rétrospective de l'année 2024. Nous allons tout de suite retrouver Laurent Guénou, l'ingénieur du son qui a travaillé sur ce Johnny 71, comme il a travaillé aussi sur le Johnny 68. Sur les mix alternatifs que vous avez pu faire, ouais. le son, il est voulu comme ça, un son brut, un son un peu sourd, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même mixage qu'on peut écouter sur... Le nouveau mix de l'album. Alors ça va dépendre un peu des titres, mais je les ai laissés effectivement en plus brut. Oui. Ces versions inédites, parce qu'elles le sont par essence, en fait, un peu plus brut. Tu as des étapes de travail. Ces versions-là et la version définitive, il y a des changements de tonalité. Oui. Donc voilà, il y a eu du bidouillage, donc l'esprit sur la partie inédite et version alternative et tout ça, voilà, c'est de laisser un truc plus rough. Oui. Plus brut et avec souvent moi j'adore laisser un peu les décomptes, qu'il y a un peu de bazar au début, tu vois, quand tout le monde allez 3, 4, c'est parti. J'adore ça aussi. Qui décide des différentes versions alternatives, prises de voix alternatives, mix alternatives, parce qu'il n'y a pas qu'une seule prise de chaque titre? En fait, ça dépend, mais vu qu'il y a très peu de pistes, oui. En général, peut y avoir peut-être sur le même morceau une deuxième prise, donc où il va un peu changer, où c'est un peu sa rythmique, la façon dont il se place qui change un peu, des trucs comme ça. Mais en général, j'ai qu'une voix. Sur les versions avec voix alternative, tout ça, c'est dans une autre tonalité, donc... Oui. C'est des trucs différents. En général, non, j'ai pas 25 pistes de voix. D'accord. En général, c'est une piste de voix et c'est la bonne. Et peut-être une deuxième, voilà, où il change. Où peut y avoir sur certains des albums un mot différent. Mm-hmm. Oui, comme j'ai pu entendre aussi encore. Le texte n'est pas encore figé. On cherche encore voilà, tout à fait. À changer un ou deux mots en fonction de la musique, le phrasé, tout à fait. Apporter. On cherche encore à peaufiner. Tout à fait, tout à fait. Justement, avant de décider, avant de se dire, on en revient en prise de décision. Ok, c'est celui-là qu'on sort, c'est celui-là le bon. Mm-hmm. Voilà. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Écoutons à présent Johnny Hallyday au Palais des Sports de Paris en 1971. Le 25 septembre 1971 exactement, avec cette version, nouvelle version du ce Palais des Sports 71. Johnny Hallyday sur RIG. Vos parents vous quitteront, bon, ils vous diront, faut essayer de vous aimer à votre tour de réussir tout ce que nous avons gâché. Avons raté. Essayez. Tu les grands mots à nous aider. Et liberté. de guerre peuvent être fiers. Notre univers, ils l'ont caché. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, faut essayer de vous aimer. C'est érigé la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, on écoute la prospective de l'année 2024, toutes les sorties de Johnny Hallyday chez Universal et chez Warner. Le 23 février 2024 était sorti le maxi 45 tours Le Cri version colorée, avec donc ce titre inédit Un Cri, hein, qui venait des sessions de l'album Made in Rock'n'Roll, et en mode splatter, un maxi 45 tours splatter. C'est-à-dire qu'en gros, il est jaune et puis on voit des taches brunes, hein, brunes sur le disque. C'est joli à regarder. C'est joli à voir tourner sur la platine. Il était inclus aussi en face B les versions a cappella instrumentales de la chanson inédite qui était composée par Yodelis. On écoute tout de suite Un Cri, hein. Je suis sûr que ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté celle-ci. Pas même une bonne étoile, un nom qui trace une ligne d'orgueil. J'ai dû prendre des coups, éviter des balles, oublier comment cloue le cercueil. J'ai goûté la violence, oui bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper la tête. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je ne suis qu'un cri. Ce que je l'ai arraché à la vie. Ce que je ne suis qu'un cri. remplie d'espoir. J'ai goûté la violence, oui, bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper la tête. Je suis qu'un cri. À l'instant, Johnny Hallyday avec le titre inédit Un cri, écrit par Yodelis. Après les albums Johnny en 2019, Acte 2 en 2020 et Johnny Symphonique 2023, et la tournée qui s'achève avec plus de 60 000 spectateurs, Yvan Cassar propose un dernier projet, La musique que j'aime, Johnny Unplugged, sorti le 22 mars 2024. Et ce dernier projet complète l'hommage à Johnny avec 5 titres inclus, Bebop Lola, Noir c'est Noir, Les Coups, Jusqu'à minuit et Je suis seul, dans des versions, donc c'est des versions inédites, oui, qui est proposé sur ce nouvel album. On est en écoute de Bebop Lola et Noir c'est Noir. Bebop Lola, chill my baby. Bebop Lola, don't mean maybe. Bebop Lola, chill my baby. Bebop Lola, don't mean maybe. Bebop Lola, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. She's a girl in red blue jeans. Well, she's the queen of all the jeans. Now she's the woman, oh, that I know. She's the woman that loved me so. Bebop Lola, she's my baby. Bebop Lola, I don't mean maybe. Bebop Lola, she is my baby doll, my baby. Vous avez bien reconnu aussi à l'harmonica Greg Slapp, qui participait donc à ce projet de Yvan Cassard. Voici notre titre, Noir c'est noir. Plus tard, le 30 août 2024, on retrouvait les fameuses archives live qui ont été légèrement décalées, faute d'avoir eu les bandes à temps. Et donc, on a attendu 2 mois après, enfin, on a dû sortir au mois de juin, et c'est sorti en fin de compte au mois d'août. Est sorti donc le live de Zénith du 2 février 1985 en version vinyle et en CD, ainsi que la Fête de l'Humanité du 15 septembre 1991 en CD et en vinyle. Il y avait aussi sorti sur le store Johnny Hallyday Store le 45 tours Ne me quitte pas en 500 exemplaires. Ainsi que le picture disc livré à 500 exemplaires uniquement donc sur le Johnny Hallyday Store. On va écouter au cours de cette partie des archives live Jean-Étienne Lousse des studios Townhouse ainsi que tout de suite Xavier Perrault. Ce qui est important à rappeler aux auditeurs, c'est que ce qui nous guide dans nos recherches, c'est 2 choses. 1, que la bande soit de qualité, la captation soit de qualité, la meilleure possible. Alors, il est évident qu'on remonte dans les années, quand on est dans les captations dans les années 60, compte tenu des moyens techniques dont disposaient les radios à l'époque pour capter et diffuser ces concerts, on a une captation qui est faite de façon très rudimentaire et la qualité de l'enregistrement, elle est d'époque. Voilà. Mais ce sont des documents. Bon. Donc, il y a la qualité du document et il y a son intégrité, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, bien évidemment, ce qu'on préfère, nous, c'est diffuser la captation du concert et ne pas exploiter ce qui a été diffusé en radio avec les commentaires des journalistes, la coupure, quand il y a des coupures de pub, des choses comme ça. Si on peut remonter jusqu'à la source de la captation d'origine, et pas sa diffusion. C'est ça qui est notre voilà. Nos deux principaux critères sont ces deux-là, la qualité technique et l'intégrité de du document. Après, si on n'a pas, parce que hélas, on ne retrouve pas la captation d'origine, mais qu'on a une captation de qualité avec quelques commentaires du journaliste de l'époque, eh ben, on prend ce qu'on a. Mais c'est vrai que dans l'idéal, on préfère une captation sans les commentaires du journaliste, sans aucune intervention, de la meilleure qualité possible. C'est pour ça que le fait de l'Humanité 91, où il manque ces trois titres, on propose quand même une heure de concert, franchement, qui sont d'une qualité nickel. Il n'y a rien à dire. Le travail est là, il est propre, et les gens en ont pour leur argent. Après, il nous manque ces trois derniers titres. Qui sont « Bibop Lola »,« Je te promets » et « L'envie ». Qui ne sont pas les moindres, on est d'accord. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Écoutons de suite cette captation-là, le point cœur ainsi que ne me quitte pas, extrait donc de ce archive live Zénith 1985 datant du 2 février 85. Captation RTL. Pour un coup, pour tout, pour le plein. Quoi que le cœur. c'est RIG 90.7 de la bande FM. Et ce soir, on écoute Johnny Hallyday et la rétrospective de l'année 2024. Nathalie. Ne me quitte pas. Il faut que tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur et ne me quitte pas, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi. Où l'amour sera roi, où tu seras reine. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras et je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser et je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan. On croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie au rouge et le noir, ne s'épouse-t-il pas? Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, non, ne me quitte pas, quitte pas. Nous allons à présent écouter Jean-Étienne Lousse du studio Town House qui a travaillé sur justement ces archives live. C'est eux qui travaillent spécialement sur toutes les parties live que vous entendez aussi bien sur les livres disques que donc dans les archives live. En sachant que quand là, j'ai retravaillé ces lives-là, tu sais, maintenant, on a des logiciels qui démixent en fait le son. C'est-à-dire qu'ils séparent la voix, oui, la guitare de la basse, de la batterie. Et puis du coup, j'ai pu respatialiser un peu les guitares, un petit peu, pas beaucoup, mais vu que tout était mono, j'ai essayé de rendre le truc stéréo, quoi. Eh oui, oui, donc bande mono de base, alors ? Ouais, c'est mono, oui. Bah, je respatialise à partir du moment où j'arrive à séparer en stem, oui, tu vois, de guitare, de clavier, de voix, surtout la voix, j'arrive à l'isoler, et je peux la retravailler, la restaurer. Et batterie, après j'ai réussi à refaire un peu, alors attention, hein, une petite stéréo à partir de ça. Oui, mais c'est, tout est relatif, évidemment. Attends, tu fais avec ce que tu as. Attends, c'est des bandes qui ont 30 ans maintenant, on fait ce qu'on peut avec, et puis avec le matos de l'époque aussi. Hein, avec... Bah, c'est ça. Et puis, mais bon, au final, je suis plutôt content, le son, je trouve que le son est bien. Oui, on ne peut pas faire un truc de 1991 ou de 1985, version 2024, on peut pas le travailler. Bah, c'est surtout que ce n'est pas des multipistes, quoi. Ce serait des multipistes, on pourrait sans problème, mais c'est juste que c'est un mix mono, donc il faut... faire avec ça, ouais. Et pour les deux, c'était un mix, même pour le Zénith, c'était un mix mono ? Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est une bande mono. Les deux, c'est des bandes mono. Ah ouais. Ouais, ouais, non, c'est pas des multipistes, quoi. Donc, c'est sûr qu'il faut. C'est surtout ça, on va dire, le challenge. Justement, quand tu dois détacher tous les instruments des uns des autres. Oui, essayer de refaire la stéréo avec ça, oui, c'est pas simple. Putain, en sachant que. Ouais. On fait pas non plus, je fais pas une stéréo ultra large, un truc comme ça non plus. Hein. Non, ça non reste, bien sûr. Ça reste mais bon, ça, malgré tout, c'est quand même vraiment stéréo. On va dire en gros, c'est un mono élargi. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Je panne un petit peu des trucs que j'arrive à isoler, mais ouais. je les panne jamais trop parce que sinon. On entend qu'il y a, tu vois, après on commence à entendre les faiblesses du truc, quoi. C'est ça. Donc j'essaye de faire attention, mais de quand même de faire une petite stéréo, ouais. Ça, c'est bien que je souligne ça, comme ça, peut-être qu'il y en a qui vont enfin comprendre pourquoi il y a des limites à faire ceci ou à faire cela. Oui, puis après, on est dans une collection archive, donc c'est vrai que de tout quoi qu'il en soit, ça reste un son, entre guillemets, archive. Comme tu dis, on ne peut pas faire non plus des miracles. Mais... non plus. Mais bon, moi, ce qui compte, c'est qu'on entende bien, bien Johnny, qu'on entende bien tout, le plus possible, et qu'on ait vraiment l'énergie du truc, quoi. C'est réussi. Je n'ai pas de souvenir qu'il y ait de grosses difficultés. Voilà. J'ai souvenir que le titre qui était compliqué sur le 85, c'est le « Ne me quitte pas », où en fait, il y a très peu de choses derrière qu'il a réussi à... J'ai réussi à séparer, donc, mais au final, comme le morceau est tellement. Il se passe un truc pendant qu'il chante ce morceau-là, finalement, la magie opère toute seule. Et étrangement, sur ce titre-là, c'est ce qui est contradictoire, hein, on entend très bien le public. Comme le morceau est très très bas, c'est ça. En fait, le public ressort. Et sur Ne me quitte pas, c'est le vrai public, les réactions du public. En plus, je trouvais ça cool qu'on entende bien le vrai public. C'est hyper émouvant, quoi, entre guillemets. Donc, non, il n'y a pas eu. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On passe sur notre live de ce archive live, justement. C'est Johnny Hallyday à la fête de l'humanité, le 15 décembre 1991. Deux titres, je vous propose Monty Lou ainsi que Diego, libre dans sa tête. Hey! Hey, Monty! Merci, bonjour. Dans cette rétrospective sur les sorties de Johnny Hallyday dans l'année 2024 avec ce livre, ce disque, picture disc On the Road avec Johnny, datant du 25 octobre 2024. Ce disque exclusif rassemble 11 chansons inspirées par la route et les grands espaces de l'Ouest américain dont Johnny était si friand. Il est illustré une photo provenant du premier road trip de Johnny en 1974. Et en extrait, je vous propose d'écouter Johnny Rider. Yeah. amants de me suivre vers les villes fantômes, la vallée de la mort et le désert de l'or. Les shérifs de campagne nous regardent passer, on dirait des montagnes aux nerfs d'acier, et leurs mains les démangent de se faire un carton ou de me mettre. Mangeant des hamburgers, le soir on s'endora même la terre. Les Indiens nous insultent et nous jettent des pierres pour mieux cacher leur misère. Des paysans hostiles à nos cheveux trop longs nous tiraient dessus en criant mon nom. Et avec moi, s'en est allé. Car elle voulait, oui, elle aimait, oui, mais voilà, c'est moi. Comme un ange venu de l'enfer, à vous, je vous sens dans un gris de tonnerre. Car elle voulait, oui, elle aimait, oui, mais voilà, c'est moi. Comme quelques sorties universelles courant novembre du 24, deux best-of de 10 titres en vinyle, dont un qui s'appelait Master Series, et l'autre c'était la collection Collector Best-of Vinyle Couleur, pochette signée par l'artiste urbain C215. De la même collection C215, on retrouvait Brassens, Gainsbourg, Barbara, Renaud, Aznavour. Pour illustrer ces deux sorties, ces deux best-of, je propose d'écouter Je veux te graver dans ma vie. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. Ouh, soudainement je suis tombé, ouh, et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très fort. Ouh, tu es né pour être à moi, ouh, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. J'aimais partir, j'aimais courir, mais quand tu viens, je veux rester là. Je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas croire à tout ça. et je ne voulais pas m'arrêter là. La rétrospective de l'année 2024 avec John Hallyday, c'est ici sur RIG et nulle part ailleurs, RIG 90.7, et c'est l'émission Johnny de A à Z. Une autre sortie le 15 novembre 2024, c'était les 10 ans, 10e anniversaire de l'album Restez Vivant. Et donc, pour célébrer les 10 ans de l'album Restez Vivant, Warner avait sorti une tripotée donc, de sorties du genre un CD avec un DVD, et puis ainsi quelques versions bonus, ainsi que deux vinyles, un vinyle de couleur et un vinyle noir, et ainsi qu'un grand un coffret collector limité qui comprend trois vinyles de couleur, deux rouges et un cristal clear, deux CD et un DVD dans un digital sleeve exclusif, deux photos tirées à part et un livret grand format avec les paroles et les notes de pochettes inédites, pochettes alternatives et photos rares. Et sur le vinyle et CD, donc, on retrouvait l'album original avec de nombreux bonus, quatre titres associés à l'album, On s'accroche, Je t'attendrai, Chanteur de chansons et Deux sortes d'hommes, et trois titres Deezer Session pour la première fois sur CD et vinyle avec les titres Rester vivant, Te manquer et Je veux te graver dans ma vie, et ainsi qu'un autre CD avec les 11 versions a cappella de John Hallyday dont 10 inédites. Vous les connaissez toutes, la seule qui n'était pas inédite c'était Seul. On va écouter quelques extraits, surtout les titres bonus comme du genre On s'accroche, Je t'attendrai. On va écouter aussi ce que j'ai donné en version a cappella, et puis un morceau donc de ce Deezer Session, Rester vivant, les répétitions donc de LA en mai 2015. Le temps est assassin, il file entre nos doigts et poursuit son chemin en nous laissant planter là. Alors partir en vrille ou sombrer lentement, personne ne resquit, tout se paye content. Et pourtant, on s'accroche. On s'accroche. Tu crois au mauvais destin, à la mauvaise pioche. J'ai tort du train après t'avoir fait les poches. Je crois à la nouvelle chance qui se présente un matin et te rappelle à l'urgence de prendre ta vie en main. Rien de nouveau, hein, donc, dans ce coffret ou dans la rigueur, dans ces éditions sur le 10e anniversaire de Rester Vivant, à part à la rigueur les trois titres de Deezer Session qu'on retrouve sur YouTube. À l'époque, c'était sorti sur YouTube et aussi en même temps, c'était sorti sur Deezer, bien entendu. Et puis aussi, il y a aussi ces 11 titres a cappella. Donc, je vous fais écouter le titre Ce que j'ai donné tout de suite, John Hedé sur RIG. J'ai dû avoir des rêves, je les ai oubliés. Ma mémoire fait la grève depuis quelques années. L'amour, j'ai eu mon compte, je ne vais pas pleurer. Et à l'heure du décompte, je sais bien ce que j'ai. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. Gardez la monnaie. J'ai dû avoir le temps, mais il m'a échappé. J'ai dû avoir l'argent, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Si mes poches sont vides, elles ne sont pas trouées. Et quand je dis lapide, je sais bien ce que j'ai. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. Oui, gardez la monnaie. Si j'ai perdu mes nerfs, quelquefois je l'admets. Lorsque vient l'inventaire, je sais bien ce que j'ai. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. Oui, gardez la monnaie. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. Gardez la monnaie. J'ai ce que j'ai donné. Good. se pardonner et tout recommencer. On voudrait que ça dure encore un bout de temps, alors que l'amour fout le camp. Et quand on aime, quand on en rêve, restez vivant, restez vivant. De ce Rester Vivant, le Deezer Session. Voici un autre bonus que vous retrouvez donc dans ce coffret, un titre qu'on avait déjà, hein, il y a 10 ans de ça. Je t'attendrai. Quand on aura la foi de ne plus croire au temps, de laisser notre histoire partir au gré du vent. Quand on aura la foi de maquiller nos plaies, de masser notre cœur d'amoureux oubliés, il faudra leur dire, peu importe les mots tant qu'il y a des soupirs, qu'il y aura d'autres flots où tes larmes vont fuir. Je t'attendrai comme on attend le ciel et ses odeurs d'orage et de plus belles nuits pour de nouveaux partages. Comme on attend la flamme obligée malheureux, j'attendrai si je tiens et tu tiens pour nous deux. Je reviendrai à temps quand tes nuits seront tristes. Si le sable et le vent ont effacé nos pistes, je reviendrai pour nous pour de plus beaux adieux. J'attendrai ton regard pour me livrer à Dieu. Il faut croire au monde. je t'attendrai. En 2020, tu as exhumé un titre inédit de Johnny Hallyday, c'est Deux sortes d'hommes, extrait de l'album Son rêve américain, qui était sorti le 9 octobre 2020. Pour l'occasion, pour ce 10e anniversaire de Rester vivant, ce titre qui datait de 2014, mais qui n'avait pas été ajouté, hein, qui a été mis de côté, qui a été mis dans un placard, parce qu'il y avait un titre trop blues qui ressemblait à ce titre-là, Deux sortes d'hommes, ils voulaient pas faire concurrence à Je ne t'ai même pas dit merci, ils l'ont mis au placard et l'ont ressorti 6 ans plus tard. Voici tout de suite Deux sortes d'hommes sur RIG. Je ne parle pas de ceux qui s'en sortent, de ceux qui ne cherchent que le plaisir. Je ne parle pas de ceux qui s'emportent, qui voient l'amour où il y a du désir. Je parle des grands brûlés du cœur, les carbonisés pour toujours, les écartelés de l'intérieur, dont les plaies ne se fermeront jamais. Il y a deux sortes d'hommes au vent, tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'hommes au fond, et ceux à qui je pense, ils se reconnaîtront. Dans l'œil, et puis se taire un peu hagard, perdu entre l'effroi et l'orgueil, on ne trouve que chez eux qui s'égarent. Moi je parle de moi surtout, moi qui t'aimais comme un dément, et qui ressort un peu plus fou, plus riche sûrement, mais pas vivant. Il y a deux sortes d'hommes au fond. Tous ceux qui ont aimé et ceux qui aimeront. Il y a deux sortes d'hommes au fond, et ceux à qui je pense, ils se reconnaîtront. C'est l'émission Johnny de A à Z avec ce soir une rétrospective de l'année 2024, c'est-à-dire tous les disques qui sont sortis chez Universal et chez Warner sur Johnny Hallyday. À présent, nous sommes au 22 novembre 2024. Universal sort un 45 tours inédit, ou sinon à la gueule, il était diffusé sur les plateformes, le titre Il faut rouler. Il faut dire qu'Il faut rouler sort des sessions hein, de 1968. Et donc sort donc, le 13 décembre 2024 le livre disque Johnny 68. La même année, 1968, Johnny Hallyday publie deux albums studio, Jeune homme et Rêve et amour. Au cinéma est à l'affiche du film À tout casser qui cumule plus de 2 millions d'entrées et cela n'empêche pas d'assurer une tournée estivale en France qui s'étend de juin à septembre où il retrouve son public. Il se produit entre autres à Cambrai et à Saint-Raphaël. Dans cette panoplie que nous a sorti Universal le 13 décembre, on retrouve donc un coffret 4 CD avec l'inédit Il faut rouler et des versions studio inédites. Sur le CD1, on retrouve l'album studio original Jeune homme, nouveau mix de 2024. 2024. Sur le CD2, l'album studio original Rêve et Amour, nouveau mix 2024. Le CD3, c'est le concert de Saint-Raphaël en CD. Et le CD4, c'est le concert de Cambrai. Et il était sorti en différentes définitions. Hein, le coffret 4 CD, le double vinyle Jeune Homme, le double vinyle Rêve et Amour, le double vinyle Johnny à Cambrai, le simple vinyle Johnny à Saint-Raphaël. Puis était sorti uniquement sur le Johnny Hallyday Store, un 45 tours avec deux titres de la tournée de 68, Entre mes mains et puis Jeune Homme. Et aussi on retrouvait sur le store un picture disc regroupant un petit best-of de tout cet ensemble sur les deux albums Rêve et Amour et Jeune Homme. On va écouter quelques extraits donc de ce livre disque et aussi quelques interventions de Xavier Perrot ainsi que de Laurent Guénaud. Voici tout de suite pour commencer un titre de Johnny Hallyday, À tout casser. Année 68, là, ce Johnny 68. Cette année 68 est une belle année, en fait, une année faste pour un Johnny quand même, si on regarde ça de plus près. En général, Johnny est rarement quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui enregistre beaucoup. Mais là, cette année-là, il a deux albums qui sortent simultanément. Alors, le premier, Jeune Homme, est une compilation de 45 tours. Mm-hmm. Mais néanmoins, il les a quand même enregistrés. Et puis ensuite, il y a Rêve et Amour. Au milieu de tout ça, il y a une tournée qui est quand même assez exceptionnelle parce que bon, il tourne en France, mais il va aussi tourner à l'étranger. On le retrouve en Amérique du Sud, on le retrouve en Afrique. Et puis, après, il y a tout ce qu'il fait au cinéma. Ce qui est assez intéressant de se dire, c'est que quand on voit le chemin parcouru entre le moment où il revient du service militaire et 68, il y a trois ans qui s'écoulent à peu près entre ces deux dates-là. Certains le voyaient disparaître après son retour du service militaire. On se rend compte qu'en 68, non seulement il n'a pas disparu, mais on va dire qu'il est même, plus présent que jamais, quoi. C'est ça. Donc, c'est une année faste. il récolte le travail qu'il a entrepris depuis son retour. La collaboration avec Mick Jones et Tommy Brown tourne à plein. Et puis, il y a cet album qui est un peu un album d'arrangeur, Rêver Amour, qui est un petit peu à part peut-être aussi dans cette discographie-là, qui est un album qui a vraiment une couleur musicale qui lui est un peu propre et qui vient clore cette année 68 de façon assez magistrale, quoi. Il s'autorise ce travail avec tous ses arrangeurs, Jean-Claude Petit, Vanier, etc. Puis les Anglais, Red Guest également. C'est une belle année artistiquement, professionnellement. Entre le soldat Smith qui revient du service militaire 3 ans plus tôt, quand on retrouve Johnny Hallyday en 68, on se dit que il a récupéré en fait toute la popularité qu'il aurait pu espérer avoir s'il n'était pas parti au service militaire. Il est dans la bonne période, du moins grâce à Mickey Jones et Tommy Brown. Il suit toujours le courant musical actuel. Disons qu'il est oui, c'est clair que au moment où il part à l'armée, la page des pionniers du rock se tourne, l'avènement des Stones et des Beatles met ces pionniers, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard, etc., leur donne un petit coup de vieux. L'épicentre musical se déplace à Londres. Et c'est vrai que pour le coup, les deux Anglais, Mickey Jones et Tommy Brown, sont les bienvenus et sont à la fois les chevilles ouvrières du catalogue de Johnny en termes de propositions. Enfin voilà, ils sont pas les seuls, mais ils sont les dirigent un petit peu la donnent un petit peu une direction musicale aux enregistrements de Johnny. Ils servent aussi de go-between, de lien, de liaison avec Londres. Les musiciens anglais, les studios anglais. Là maintenant, Johnny a pris ses habitudes au Olympic Sound Studio. Il a maintenant une solide expérience des studios anglais. Donc il tourne à plein régime, j'ai envie de dire. Et surtout, il est, je pense, plus que jamais maître de sa destinée. C'est-à-dire qu'il prend des décisions avec l'IALTE en les assumant complètement. Voilà, c'est tout ça. En fait. Donc il prend des décisions qu'il assume complètement artistiquement. Il est entouré de gens avec qui, contrairement à ses débuts, il peut vraiment partager des affinités musicales. Il parle la même langue, j'ai envie de dire, musicalement parlant. Et les choses fonctionnent très très bien. Et on verra par la suite qu'effectivement, cette collaboration, notamment avec les Anglais, avec Mick Jones et Tommy Brown, va permettre de déboucher par la suite sur les albums comme 71, 70... bien sûr, celui de 69, mais je veux dire que cette collaboration, elle permet vraiment à Johnny de, je pense, en tous les cas, d'assumer complètement ses choix artistiques, de les partager avec son équipe et de vivre pleinement sa musique comme il a envie de le vivre. Écoutons à présent le titre qui a été révélé le 22 novembre dernier, Il faut rouler, une chanson qui a été retrouvée sur une bande de télévision en principe, sur ces bandes-là, ils appellent ça la R4 ou la R84, je n'ai plus la référence en tête, mais enfin, c'est marqué sur le 45 tours, vous avez juste à le retourner, vous voyez cette référence-là, R84, et cette chanson en principe c'est une bande de playback et la voix de Johnny était posée dessus. Ils ont pu restaurer ça et donc c'était une session donc de 1968. La musique est de Tommy Brown et de Mickey Jones, sauf qu'après, ils n'ont pas trouvé qui avait écrit les paroles, les fameuses paroles de cette chanson-là. Et on l'écoute tout de suite sur l'antenne de RIG, sur la mission Johnny de la Z. Il est temps de repartir vers une autre ville. Je viens chercher le public qui m'attire. C'est dans votre ville, avant d'arriver. Il faut rouler, toujours rouler, pour venir, pour retrouver. Vous êtes là, par milliers, le rideau se lève, vous criez mon nom. Le spectacle est lancé, je sens que la fièvre me gagne, c'est bon. Il faut rouler, pour venir, vous retrouver. Puis ton pain peut tomber, et puis après, c'est dîner, avec du meurtre. Je rentre à l'hôtel, seul tristement. Le public est bien loin. Des filles qui m'appellent dans le maintenant. Il faut rentrer pour se coucher, car demain il faut rouler. Tous ces yeux remplis d'amour, je les vois bien chaque jour. Les yeux partent dans la nuit, je suis tout seul et je me vers une autre ville pour aller chercher le public qui m'attire. Les amours inutiles, à quoi bon penser? Il faut rouler pour venir retrouver. Moi j'ai fait un mauvais rêve, avec la nuit qui s'achève, marchant dans la ville inerte, j'allais dans les rues désertes, mon cœur bat si fort que j'en tremble encore. Dépassant au regard vide, au teint de plâtre livide, pétrifié semblait attendre, et soudain on vit descendre la nuit en plein jour, du ciel un bruit sourd, les gens criaient au secours. Moi j'ai fait un mauvais rêve, avec la nuit qui s'achève, les murs tombaient en poussière, et j'ai dit une prière, et dans le néant, sans amour vraiment, je marchais éternellement. Éternellement dans le néant, toujours plus loin, sans amour, ce n'est qu'un rêve. Le mauvais rêve qu'on retrouve sur l'album Jeune Homme sous le nouveau mixage, et le mauvais rêve était extrait de la bande originale du film Les Ponettes. On va retrouver les deux Jean-François, Jean-François Chenu et Jean-François Brieux, qui participaient à l'émission Johnny 68. Alors c'est amusant parce que dans ce produit là, ce beau produit là, qui, alors d'une part l'iconographie du livret est magnifique, vraiment vous allez vous régaler. Les textes, j'ai déjà dit, il est en face de moi, mais les textes de Jean-François sont formidables. On apprend plein de choses. Et puis, il y a ces deux lives. Mmh. Et c'est assez marrant parce que... Les deux lives de la tournée d'été. Voilà. Et celui de Cambrai, par exemple, il chante les coups, il chante en anglais. Oui. Ce qui est incroyable. J'avais jamais entendu. Mmh. Mais il chante Uptide. Et c'est deux lives qui sont... Ouais, tu te rends compte de ce que c'était, quoi, Johnny sur scène à cette époque-là. Ouais. Ça durait pas 2h30, ça durait 1h15, mais c'était 1h15, c'est des Ferrari. Hein. À fond la caisse. Cambrai, quand on l'écoute, les 4 dernières chansons, ces 4 titres, il les fait à fond. Ah, oui, il les fait à fond, vraiment. À Saint-Raphaël, c'était pour l'inauguration du port, je crois, c'était à cette occasion-là. Il y avait des images qui étaient sorties à la télévision. Et Cambrai, où il est passé quand même très très souvent. Hein. Moi, la fête de la bêtise. Moi, je l'ai vu à Cambrai en 1973. J'avais pris ma voiture de Paris pour aller le voir à Cambrai. J'étais allé, oui, c'était un truc de fou. C'était la fête de la bêtise. C'est la bêtise, et dans une immense. C'est des bonbons, la bêtise, précisément. Hall, avec des tables, les gens dînaient et tout. Enfin, on était debout sur les tables à la fin. C'était ces grands machins. Et, oh, moi, j'ai fait la fête, la foire au vin de Colmar en 71. Ah, ça devait pas être mal, ça aussi. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Retrouvons tout de suite deux extraits live du concert de Cambrai du 12 septembre 1968, deux titres, Jeune homme et Je n'ai pas voulu croire. Jeune homme, tu parles comme un homme, à croire que t'as vécu, mais il n'en est plus. Tu parles comme un homme, croire que dans la vie, t'as Dieu t'a pris. Mais que sais-tu d'un enfant tout seul quand vient Noël? Oui, que sais-tu de ce chien dont le maître est au ciel? Et que sais-tu d'un ami que l'amour a brisé? Oh oui, que sais-tu des amis qui ne pourront jamais, jamais l'idée? Si tu savais que t'as tout lu. Oh, jeune homme, tu parles comme un homme, avoir tes poings fermés, t'es sans pitié. Mais que sais-tu de celui qui n'a plus de paix? Oui, que sais-tu d'un bâton qui se trompe dans la nuit? Et que sais-tu d'un vieillard qui a peur de l'hiver au gris? Que sais-tu des milliers de gens qui souffrent aujourd'hui sur la terre? Si tu savais ce que je sais. Souvenir, oh jeune homme, tu respectes les hommes et tu es digne de vivre et de mourir. Le papier était froissé. Elle avait pleuré sans doute. Oh. Les mots étaient effacés. Je n'ai jamais voulu croire à ce pleur, à son amour. Je n'ai jamais voulu croire qu'elle pouvait mourir d'amour. Oh, aimer de tout son être. Oh. Et elle vivait de ma vie. Quand je lui disais peut-être, oh, son cœur attendait oui. Je n'ai jamais voulu croire à ses pleurs, à son amour. Je n'ai jamais voulu croire qu'elle fait mourir d'amour. Non, non, non, non. Mourir, mourir d'amour. Non. Aujourd'hui, aujourd'hui, il faut que je parle, il faut que je dise à tes amis, il faut que je dise tout ce que j'ai sur le cœur à des gens qui sont mes amis. Aujourd'hui, je me sens seul. Je n'ai jamais voulu croire que cette fille, un autre siècle aurait pu mourir d'amour pour un garçon comme moi. Un garçon comme moi qui n'ai jamais voulu lui dire mon amour, je t'aime de tout mon cœur. Si seulement je pouvais revenir un tout petit peu en arrière, je saurais lui dire les mots qu'elle avait tellement envie d'entendre. Je pourrais lui dire, j'ai tellement besoin de toi. Sans toi, sans ta main dans la mienne, je me sens perdu, comme dans un immense désert. Je pourrais lui dire, j'ai tellement besoin de tes lèvres sur mon cou. Je pourrais encore lui dire, j'ai tellement besoin de sentir ton cœur. Contre le cœur, ou tout simplement, je pourrais lui dire, je t'aime. Oui, oui, je t'aime. Je sais que maintenant tout est fini, c'est trop tard, mais je t'aime. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sans toi. Toi j'ai envie de mourir. Je toi j'ai envie de mourir. Je t'aime. Je t'aime. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Aujourd'hui, dans l'émission Johnny de la Z, on fait la rétrospective de l'année 2024, c'est-à-dire toutes les sorties audio de Johnny Hallyday chez Universal et chez Warner. Là, actuellement, nous sommes dans le Johnny 68 et on va retrouver les deux Jean-François, Jean-François Chenu et Jean-François Brieux, de l'émission spéciale Johnny 68. Évidemment, Jean-François Brieux, tu t'occupes des textes comme d'habitude. Oui, je me suis occupé des textes en 68, mais je suis d'accord avec Jean-François, c'est vrai que ce n'est pas une année du tout évidente. Mais c'est une année très intéressante parce que... Oui, parce que vous allez me dire, pourquoi pour vous, ce n'est pas une année évidente, 68? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tubes qui ont fait une longue carrière. Donc pour tous ceux qui sont arrivés après cette date-là, ce n'est pas l'album vers lequel ils retournent en arrière. Mm-hmm. Ils retournent vers 64, ils retournent vers tout ce que tu veux, 69 évidemment, 66. 68, c'est quand même plus spécifique quand même dans sa carrière. Il ne faut pas oublier que 68, c'est quand même une année spéciale en France. Avec les oui, en plus, mai, le mois de mai 68. Voilà. En plus. Donc on est quand même dans une année un peu atypique. Le premier opus de cette année, Jeune Homme, ce n'est pas un album au sens où on l'entend comme Rêve et Amour. C'est une compilation de 45 tours. De trois super 45 tours. Donc avec des titres qui sont formidables, comme À tout casser, comme Jeune Homme, Mal, etc. Donc après, il y a l'album Rêve et Amour. Et lui, quand il sort, il te déstabilise quand même un petit peu. Et puis, t'as, quand tu écoutes cet album, tu as quand même un ovni. Charlie. Oui. Que fait Complévé Charlie? Il n'a rien à faire dans cet opus-là. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on a repensé à tout ça, je me suis souvenu de l'époque avec Jean-Yves Billet, qu'on va saluer d'ailleurs, parce qu'en fait, cette collection livre-disques, c'est un peu un passage de témoin entre Jean-Yves et Xavier. Mm-hmm. Jean-Yves allait quitter Universal, Xavier lui reprenait la gestion du catalogue de Johnny, et tous les deux, ils ont passé en revue tous les albums, ils ont écouté tous les albums en cherchant qu'est-ce qu'on pourrait faire ou pour améliorer les choses. L'idée, ça a été de ils se sont dit assez vite que sur Hollywood, par exemple, ils se sont arrêtés sur Hollywood. Oui, parce que les multipistes permettaient de faire une proposition assez différente du mixage original et ça leur a paru intéressant comme démarche. Puis à partir de là, bon, on a enchaîné sur et les choses se sont améliorées en disant bien sûr, mais c'était un passage de témoin. Et donc, on salue Jean-Yves et on le remercie pour tout le travail qu'il a fait sur le catalogue de Johnny. Maintenant, c'est Xavier qui le fait. Et très franchement, quand 68, quand Rêve et Amour est sorti, bah écoute, c'était un peu déstabilisant, non? Mais en même temps, à réécouter aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses intéressantes et Jean-François m'a convaincu d'ailleurs de l'intérêt de ça. Mais moi, je l'ai vécu en direct, parce que je suis un peu plus âgé que Jean-François, j'avais 17 ans, je n'étais pas très vieux. Mais moi, c'est un album qui m'a intéressé tout de suite. Mais il faut dire que moi, j'écoutais pas tellement de musique française à l'époque. J'écoutais beaucoup de rock anglais, beaucoup de rock américain. Et j'ai vu assez vite qu'il y avait les mêmes préoccupations à l'époque. Je ne savais pas que Johnny enregistre en Angleterre. Je ne savais pas qu'il avait des musiciens anglais. Je ne savais rien de tout ça. Mais c'était un album intéressant. Aussi, enfin c'est intéressant pour les chansons, c'est intéressant pour Johnny, mais c'est intéressant pour la manière dont le son a été pris et dont les arrangements ont été conçus. Il faut dire un peu, donc, les compositeurs, c'était Mickey Jones et Tommy Brown. Et ouais. Pas que, le son, Eric Jardin aussi, mais on va dire, ils apportaient ouais. aussi un son anglais. Oui, c'était tous tournés vers Londres. C'est ça qu'ils ont été cherchés. C'est ça. La pop londonienne de l'époque. Ils ont enregistré ouais. Olympic Sound. Oui. C'était le studio où Johnny avait élu domicile pendant quelques années. Oui, c'est ça. Alors que pour Johnny, jeune homme, c'était à Blanqui, c'était à La Gaîté qu'ils avaient enregistré et aussi à l'Open Sound. Oui, il est dans plusieurs studios. Mais là, Rêve et Amour, on voit bien qu'il y a une idée, il y a un concept d'album, il y a une direction que Mickey Jones et Tommy Brown prennent. Ils vont chercher les musiciens pour, les arrangeurs pour, et ils sortent un produit qui est très cohérent. Mmh. Alors on peut aimer, pas aimer, ça c'est différent. Moi, c'est surtout les textes qui m'ont dérangé. Je trouve que les textes sont pas... C'est pas parmi les meilleurs textes que Johnny a chanté, mais le parti pris, il est évident. C'est très bien réussi au niveau des arrangements, au niveau des compagnons. Mais c'est quand même un Johnny auquel on n'est pas finalement tellement habitué encore. Oui, musicalement. Et puis il y a eu cette pochette quand même un peu spéciale. Alors, certes, Sgt Pepper s'est passé par là, oui, mais enfin bon, c'était. C'est une pochette qui n'aurait pas dérangé les Américains, qui à l'époque faisaient des trucs encore plus dément que ça, mais en France, ouais, c'était très spécial. Tu es spécialiste, justement, culture années 60, la musique des années 60. Moi, j'aime beaucoup les 60s, ouais. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on avait donc? C'est un bouillonnement extraordinaire. À part donc le Sgt Pepper, qu'est-ce qu'il y avait comme autre album qui était en même temps que Réveil Amour, à 10 jours près, sort Electric Ladyland de Jimi Hendrix, par exemple, qui est un morceau. En fin d'année, tu as le retour des Stones au premier plan avec Beggar's Banquet, tu as le double album blanc des Beatles, puis tu as des tas de choses aux États-Unis, c'est l'émergence de Joplin, c'est l'émergence de tous ces gens-là, Chambers Brothers, Jefferson Airplane, Grateful Dead. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je pense que tout ça, ça passait entre les mains de Johnny, plus ou moins entre les oreilles de Johnny, à travers tous ces musiciens, tous ces gens, je crois. Et on en entend des tendances dans l'album, même s'il est beaucoup plus anglais qu'américain. Oui, tout à fait. Clairement. Ah oui, oui. Je n'ai pas souvenir que sur cette année, il y a un grand tube qui est émergé. Que Johnny n'est pas vraiment dans. Il n'y a pas une chanson qui a fait. Alors qu'il y en a d'excellentes. Hein. Entre mes mains est une formidable chanson. Ouais. Bien sûr, Couple Vite Charlie a fait sa carrière. Après, quand on l'a réécouté, il y a un titre, moi, qui m'est apparu vraiment intéressant parce que j'ai trouvé que l'interprétation de Johnny était fantastique. C'est Non, ne me dis pas adieu, qui est une composition d'Eric Charden. Mmh. Tout à fait. Et qui avait été diffusé à l'époque en radio, c'était, je l'avais entendu, moi je me souviens très bien, c'était Dans le vent, qui était animé par Hubert, sur Europe numéro 1. Ce titre était passé. Mais ça n'avait pas été un grand succès. Non, il n'avait pas eu la première place du hit parade de celui des copains. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est en face B du titre inédit, Il faut rouler. Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. C'est un choix qu'on a fait avec Xavier et les personnes qui bossent avec lui. C'était une des trois ou quatre options qu'on avait. Il est évident que l'inédit devait être en face 1. Et puis pour l'accompagner, il fallait un titre de Rêver Amour. Et franchement, celui-là nous est apparu intéressant. Parce que quand on l'a réécouté, enfin en tout cas moi, quand je l'ai réécouté, je me dis, putain, c'est quand même vachement bien, quoi. Exactement. Et justement, hein, pour l'occasion, j'ai demandé à Xavier Perrault et puis à Laurent Guénaud de me fournir la voix seule de Johnny Hallyday. L'album Rêver Amour fut enregistré sur multipiste, 4 bandes, tout comme l'album Jeune Homme. Et écoutons à présent donc le mixage 4 pistes du titre Non, ne me dis pas adieu, avec l'aimable autorisation de Xavier Perrault, pour vous, les auditeurs de Johnny de A à Z. Voici le montage exécuté pour l'émission, là, hein, par Laurent Guénaud, l'ingénieur son des livres disques depuis 2014, avec par ordre d'arriver dans le morceau que vous allez écouter. La piste 4, c'était la piste occupée par la voix de Johnny Hallyday. Arrivera après, au bout de 1 minute et 15 secondes, la basse, la batterie, les guitares et le piano, hein, sur la piste 1. Sur la piste 2, on va tomber sur les cordes qui apparaîtront à partir de 1 minute 34, et ainsi qu'on va entendre le drum spiel, ou sinon, si vous préférez, le repisse de batterie. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Derrière ce vilain mot se cache un phénomène relativement simple à comprendre. Lorsqu'on enregistre plusieurs instruments en même temps, il arrive fréquemment qu'un micro censé capter l'un des instruments enregistre également une portion des sons produits par les autres. C'est cette présence indésirable que l'on renomme repisse ou spiel dans la langue de Shakespeare. Et sur la piste 3, on va écouter au bout de 2 minutes et 14 secondes les cuivres, les chœurs et encore le drum spiel, si vous préférez, le repisse de batterie. Voici Johnny Hallyday qui, on va l'entendre a cappella, du moins la voix seule de Johnny Hallyday sur le titre Non, ne me dis pas adieu, et après les instruments vont rentrer progressivement. On dit souvent qu'après la pluie vient le soleil et que l'orage ne dure jamais. Pourtant tu veux partir, tu veux m'abandonner. Non, ne me dis pas adieu. Moi, j'ai tant besoin de toi, car sans toi, je serai malheureux. Si tu n'étais plus à moi, oui, ma vie, toute ma vie n'est qu'un cri. Je t'aime, oui, je t'aime, mon amour. On dit toujours qu'un cœur brisé ne revit basse, batterie, guitare, piano maintenant. Si tu le sais, ne le brise pas. Tu les cordes entrent. Ne peux pas partir, me laisser sans avenir. Et la piste, les cuivres et les cœurs. Oui, je t'aime, mon âme. Oh, beau cadeau pour tes auditeurs. Ah oui, mais moi je suis très heureux aussi de le posséder. Deuxième titre du titre de l'album En rêve, rêve et amour. Voici le titre En rêve. En rêve fantastique, j'étais le premier à voir l'Amérique, oui, sur mon grand voilier. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En toute journée, en concert à Saint-Raphaël, le 28 juillet 1968. Extrait donc de ce fameux coffret Johnny 68. Sorti depuis le 13 décembre. Thank you. soldats, qu'ils soient de plomb, de bois, sont morts entre mes doigts. Je n'étais qu'un enfant, pourtant je me souviens, j'ai pleuré bien souvent. Qu'il vous arrive, oh oui, ouais, ça fait mal. Les culs qui apprennent à vivre, oh oui, ouais, ça fait mal. Aujourd'hui, je sais que l'on n'a rien sans lutter. Le prix de l'amour, celui de l'amitié. Quand on est le premier, ce qui vous crie bravo, et puis ce qui voudrait vous mettre un jour KO. Oh oui, les culs, quand tu. Ouais, ça fait mal. Les queues qui apprêtent à vivre. Oh oui. Ouais, ça fait mal. Les queues. Ah, ah, ah. Et j'avais oublié, avant de parler donc de ce Johnny 68, de ce fameux événement du 6 décembre 2024, la sortie de la Tour Eiffel 2011. Le 3 décembre 2011, la légende du rock Johnny Hallyday s'élève au premier étage de la Tour Eiffel pour offrir un concert exceptionnel et intimiste à un cercle restreint de privilégiés comprenant journalistes, fans et invités triés sur le volet. Accompagné de ses fidèles musiciens, Yaro Poupo et Greg Slap, Johnny dévoile pour la première fois son titre Autoportrait, une œuvre rock écrite par Maurice Lindé et composée par John Mamam. Et l'album de ce concert événement est une sortie très attendue. Ce live, en effet, représente le seul concert donné par Johnny Hallyday en 2011. Par contre, carton jaune à Warner, hein, le DVD ne figure pas. Tout simplement, pourquoi il ne figure pas? Parce que Warner n'a pas eu les droits télévisés, les droits de reproduire donc la vidéo sur un DVD. Mais ce sera l'occasion, un jour ou l'autre, de le ressortir. Avec une version agrémentée du DVD. Évidemment, ça fera encore débourser quelques sous à tous les fans pour voir ce concert. Sinon, on retrouve ce concert sur YouTube, hein, par exemple. Hein. On va écouter deux extraits de ce fameux concert de la Tour Eiffel de 2011. Je suis dans la rue et évidemment, Autoportrait. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday. Et ce soir, on fait la rétrospective de l'année 2024 de toutes les sorties audio de Johnny Hallyday chez Warner et chez Universal. Je retournerai dans la rue. Je suis né, je suis né. lâches si fort, je dis tout ce que tu veux. Un héros, un tador, un prince à prétentieux. Fier le suivant, on peut dire généreux. Je suis moche, je suis con, quand je me prends sérieux. Je suis grand, je suis roi, quand j'arrive sur la scène. Je suis qui, je suis quoi, quand je te fais une scène. On m'a fait tant d'autoportraits. J'avoue que je ne sais pas vraiment qui je suis ni à quel moment. Ce qui est vrai, je le jure, c'est que je ne serai plus personne si un jour toi tu m'abandonnes. Je suis sage, je suis fou, orgueilleux, infidèle. Je suis double et jaloux, bien pensant et rebelle. Je suis moi, je suis l'autre, je suis tout ce qui existe. Le pendant et la poutre, je suis le vrai artiste. On m'a fait tant de ton portrait, qui me ressemble très pour très. J'avoue que je ne sais pas vraiment. Si un jour toi tu m'abandonnes, si un jour toi tu m'abandonnes. On m'a fait tant de ton portrait, qui me ressemble très pour très. Merci à tous. Bonne fin de soirée. J'étais heureux de chanter pour vous ce soir. Merci. Restez à cette émission Johnny 2 à Z, la numéro 560, avec cette rétrospective des sorties de sur Johnny A&D audio de l'année 2024. Merci à toutes et à tous encore pour votre fidélité tout au long de cette année 2024. Et on se retrouve l'année prochaine, le 8 janvier 2025, pour une nouvelle année 2025 sous le signe de Johnny A&D. Et toujours ici, le mercredi de 22h à minuit sur RIG. Bonne nuit à toutes et à tous. Bonne fête de fin d'année. À très vite. Ciao, ciao.